chanson cœur. C'est une chanson quoi? J'ai tant, tant, j'ai pourtant tant. C'est charmant. Pourtant, tant à vous dire dans ma chanson. C'est l'émotion. Mais enfin, François, je voulais vous dire que... Attendez! Attends! Maintenant, à quoi bon? Dans ma chanson, je vous disais, pour terminer.